Bonjour. On est là pour parler de cuisine et plus particulièrement du coq au vin. Alors, qu'est-ce que c'est que le coq au vin? Bah le coq au vin, c'est un plat principal que je cuisine depuis un petit bout de temps, qui nécessite des ingrédients particuliers, donc que je vais acheter au marché pour le coq et voilà. D'accord. Est-ce qu'il faut prévoir un accompagnement pour le coq au vin? Oui, alors c'est soit de la purée, soit des pâtes, soit du riz. Et qui le cuisine? Alors, je le cuisine. Je le cuisine pour la famille. En général, pour les enfants qui aiment bien, ou les grands-parents aussi qui se régalent. Qui vous a appris cette recette? Alors, cette recette me vient de mon père, hein, qui était un spécialiste du coq au vin. Donc, c'est lui qui m'a appris à cuisiner le coq au vin. Est-ce que vous réalisez souvent cette recette? Plusieurs fois dans l'année, parce que c'est une recette qui est un petit peu compliquée, qui prend beaucoup de temps. Par contre, elle coûte pas spécialement cher, hein, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut faire mariner la viande. La cuisson aussi est longue. Donc, on la fait que dans des occasions spéciales, pour un repas de famille, parce qu'en plus, un coq, c'est assez gros. Donc, si on n'est pas nombreux à le manger, on va en avoir pour plusieurs repas. Et ça se réchauffe très, très bien. Et donc vous cuisinez ce plat vous m'avez dit donc par tradition familiale. Oui. Quel est le matériel que vous utilisez pour le préparer? Alors, j'utilise une cocotte, mais avant, il faut faire mariner la viande dans un saladier. Et en fait, l'astuce du coq au vin, c'est la sauce qu'il faut pas rater. Au dernier moment, il faut la, comment dirais-je, ajouter de la farine ou de la maïzena pour qu'elle ait l'épaisseur idéale. Et c'est ça que m'a appris mon père. C'est ne pas rater la sauce du coq au vin. Est-ce que vous avez d'autres astuces pour bien réussir ce plat? Il faut le vin, il faut mieux qu'il soit de bonne qualité, mais même avec un vin de table, ça peut passer si on assaisonne bien le coq avant de le cuisiner. Et est-ce qu'il y a des personnes en particulier pour qui vous aimez préparer ce plat? J'aime bien le préparer pour la famille, parce que c'est un plat qui se réchauffe. Donc on peut facilement, par exemple, boire l'apéro et faire chauffer son coq sans être sur le qui-vive comme un roast beef où il faut vraiment que la cuisson soit très très rapide et maîtrisée. Ok. Très bien. Merci Agnès. Merci. Non, non, non, continue. C'est pas fini. Ok. Vous m'avez parlé de votre père. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille qui réalisaient ce plat? Moi, je pense qu'il tient ça de mon grand-père. Hein. J'habitais à la campagne. C'est un plat, je pense, qu'elle fait souvent dans les campagnes. Parce qu'en ville, des gens que j'ai rencontrés ne connaissent pas forcément ce plat ou ne l'apprécient pas. Alors qu'à la campagne, j'ai l'impression que les gibiers, tout ce qu'elle fait avec du vin est plus apprécié et plus cuisiné qu'en ville. Donc là, dans ma région, le coq au vin, c'est vraiment quelque chose de traditionnel. Donc voilà, et bon, il y a des. Voilà. Donc, c'est pas seulement une recette de famille. Non, c'est aussi une recette de France en général, je pense. Ouais. Et, mais plutôt de la campagne. D'accord. Et de quelle campagne, hein, vous savez ? Ben là, c'est en Champagne, mais je pense qu'en Bourgogne, ils en font. Je ne sais pas quel vin ils utilisent, s'ils utilisent du Bourgogne. Est-ce que vous pensez que d'une région à l'autre, il y a différentes façons de le préparer ? Je ne sais pas. Je pense, oui. Je pense parce que tout le monde, quand on cuisine un peu, on a des habitudes qui peuvent différer d'une région à l'autre. Et est-ce que vous pensez que vous m'avez dit que donc c'était en Champagne, dans la région, dans votre région, il y a eu une évolution dans la préparation du coq au vin avec les années? Ça, différences. Ça, je ne sais pas. Ce que je me souviens, c'est mon père qui passait énormément de temps à cuisiner le coq au vin et à rendre la sauce avec une épaisseur parfaite grâce à de la farine et de la maïzena. Et voilà, c'était une. Enfin, il y avait une odeur dans la maison de plat et. Voilà, on attendait de se mettre à table avec impatience.